6A. Et il est comment ? Ben, il est rigide, en cuir et... En cuir ? Oui, c'est ça. Et tu avais ton nom dessus ? Ben justement, non. Bon. Alors, tu te rappelles où tu l'as laissé ? Je crois que je l'ai oublié dans la salle de français après la classe. À quelle heure ? Oh, c'était ce matin. La classe était de 10h à 11h dans la salle A18. Et il était vide ? Ben non, justement. Et j'en ai besoin parce que j'y vois pas très bien. Bon, on va voir.